Le capitaine Belcoeur par Georges Spitzmüller. Première partie, la revanche du Béarnais. Chapitre 1er, Françoise la Fosseuse. Le soleil de septembre 1585 se mirait dans le Gave qui semblait une rivière d'or. Il enveloppait Pau, capitale du Béarn, d'un manteau de lumière, érillé de tous ses rayons sur les toits de la ville. 10 coups venaient de sonner au jacquemart de l'église Saint-Jacques. « Mignonne, n'entendîtes-vous clocher l'heure du dîner ?» Ces paroles prononcées par le roi de Navarre s'adressaient à une femme, une jeune fille plutôt, qui se trouvait, seule avec lui, au sommet du donjon de Gaston Phébus, le plus élevé du château. Du haut de cet observatoire incomparable, ils avaient longuement admiré le parc fleuri et le merveilleux paysage qui l'environne, avec ses coteaux en amphithéâtre, la vallée où le Gave trace ses gracieux dessins, et là-bas, très loin, les neigeuses Pyrénées. À l'appel du roi, sa compagne tressaillit. Ses yeux se détachèrent à regret du panorama enchanteur. Elle dit à Henri qui lui souriait, très tendre, « Ne se passerait-on point de dîner, sire, pour contempler avec vous, entre ciel et terre, votre attirant pays ?»« Sire, » répéta-t-il sur un ton d'affectueux reproche, « pourquoi toujours ce nom de cérémonie ?» Il sied de parler ainsi à celui qui sera un jour roi de France. À cette évocation du plus beau trône du monde, Henri demeura rêveur un moment. Peut-être entrevoyait-il sa destinée glorieuse dans les lointaines perspectives de l'avenir. Mais bientôt le sourire revint sur ses lèvres, et prenant les mains de la jeune femme avec une sorte de dévotieux respect, « Mamie Françoise, ne dites point cela. En cet instant, je ne vais être roi que de votre cœur. » « Et pourtant je ne suis pas votre reine, » murmura-t-elle en baissant le front avec mélancolie. « Si fait, » répondit-il ardemment, « vous l'êtes mieux que madame ma femme, qui me fut baillée par politique plus que je ne l'ai choisie par amour. « Votre reine Margot me hait. Je ne suis que la pauvre fosseuse, comme elle dit, » exhala Françoise d'une voix dolente. « Laissez. Votre père, Pierre de Montmorency, baron de Fosseux, fut un preux et loyal gentilhomme. Son nom ne mérite qu'honneur et sa fille ne mérite qu'amour. » Ce disant, il prit une rose rouge qui saigna son pourpoint et l'offrit galamment à la fosseuse qui leva sur lui ses grands yeux d'azur où se reflétait le ciel. Lui regardait avec flamme sa belle maîtresse, cette adorable Françoise de Montmorency que depuis plusieurs mois déjà, il avait donnée comme rivale à sa femme Marguerite de Valois, la sœur de Henri III. Nonchalante et sûre de son empire sur cet homme qui venait de le lui confirmer si tendrement, François se laissa admirer sous le soleil maintenant tamisé d'un léger nuage qui avivait son teint clair et nacré, sa bouche vermeille, ses cils passés au noir pour les bien harmoniser avec les opulents cheveux d'ébène. Sa taille flexible comme une liane se gainait de satin céladon canotillé d'argent. À côté d'elle, en son costume simple et sombre, le roi avait l'air d'un gentilhomme pauvre, d'un de ces cadets de famille qui rend fortune avec la cape et l'épée pour seul bien. « Ah, mon cœur, » reprit-il passionnément, « combien je voudrais vivre seul avec vous, loin de tout un roi de cour, dans l'humble manoir de Coaraz où j'ai passé mon enfance. » Ses yeux se tournèrent vers un petit village qu'on apercevait au loin, perdu au milieu des vertes ondulations de la campagne. Il soupira. Maintenant il avait un royaume à régir, un trône à défendre, un autre à conquérir peut-être. La corne d'ivoire du maître d'hôtel fit vibrer une note longue par trois fois. « Allons, mamie, » dit Henri en unissant ses lèvres à celles de Françoise. Défaillante presque, elle lui rendit ce baiser qui l'avait fait pâlir. Tous deux se dirigèrent alors vers l'escalier par où l'on descendait aux salles d'honneur. Tout à coup le roi s'arrêta et son bras quitta la taille de sa maîtresse. Dans un créneau devant lui s'encadrait un coin de la route de Jurançon, et Henri voyait un singulier équipage. Trois carrosses précédées de trompettes resplendissantes et suivies de deux coches qu'escortaient une suite nombreuse. Au-dessus de ces gens, un pennon bleu flottait. Le cortège était loin encore. Il se dirigeait vers le château. Henri de Navarre s'avança jusqu'au créneau et attentivement regarda. « Ventre Saint-Gris, » fit-il gaiement, « quel peut être ce charrois bariolé grouillant ? Je n'attends nulle visite. » Peut-être serait-ce une ambassade de la Ligue, sourit railleusement Françoise de Montmorency. Une ambassade estafie alors. Le Béarnais rit de toutes ses dents, bien planté et saine, dont la blancheur contrastait avec la barbe de jais où couraient déjà quelques fils d'argent. Cependant, Henri observait toujours la route de Jurançon. L'équipage venait de faire halte à l'ombre de grands arbres. Les voitures s'ouvrirent. Il en sortit des gens, dont à cette distance, on ne pouvait distinguer les costumes parés de couleurs chatoyantes que jaspaient des points noirs. Les cavaliers mettaient pied à terre. D'un coche, certains tirèrent des tréteaux. Une table se dressa bientôt dans un pré voisin sous l'ombrage. « Ils vont dîner, » fit le roi. « Mamie, allons en faire autant. Sans plus de retard, car vous connaissez mon dicton, lever à 6, dîner à 10, souper à 6, coucher à 10, font vivre l'homme 10 fois 10. »